Chapitre 19e, Oblast de Kemerovo, base militaire d'Olierask, juillet-août. Les premiers jours de mars pointaient leur nez. Lancée fin janvier, la secrète opération Péja-Ours, conçue par le grand et athlétique Andrei Verkhoturov, commandant des Oboro, l'unité militaire d'élite des Volkodlak, ne donnait toujours rien. Le général Imadedinov, président tokaristanais, ne bougeait pas. Envisageait-il une offensive dans l'Altaï? Mi-juin, le jovial chambellan Rakhamov suggéra au grisonnant Koslov de demander au boitillant Kikov de faire courir la rumeur que le colonel Trofimov transformait le petit aérodrome de l'extrémité sud de l'oblast en base militaire afin d'entraîner ses troupes. Cela créa l'agitation escomptée. La présence de Trofimov, le frère ennemi, incita Youssouf Imadedinov à s'intéresser à l'oblast de Kemerovo. Il se donna comme priorité de détruire, au plus vite par précaution, cette unité conventionnelle menaçante de l'armée rouge. Kemerovo, côté russe, fin juillet. Vers le 29 juillet, après plus d'un mois de combats sporadiques, le pouvoir du gouverneur de la région, Georgi Vassilievitch Zamok, était stable. Cela rassura les civils. Seul un tout petit nombre prit la route de l'Exode en direction des provinces voisines. En revanche, l'économie était durement touchée. Les mines de charbon qui faisaient la richesse de l'oblast avaient été les cibles privilégiées des combattants tokariens. Ils avaient réussi, après plusieurs semaines de combats, à prendre le contrôle de Medjouretchensk. Cette ville, établie au milieu du grand gisement de charbon du Kouzbass, concentrait 4 mines, dont celle de Raspatskaya, la plus grande de Russie. L'activité de Medjouretchensk était liée à l'extraction ou à la transformation du charbon d'une part et d'autre part au tourisme. La ville était lovée entre deux rivières d'eau pure, la Tom et l'Oussa. Paradis de la baignade, au pied des pics de Potsnebesnie et de Dzoubia, la belle cité accueillait notamment les habitants de Novosibirsk qui prenaient plaisir à venir faire du ski l'hiver ou du rafting l'été sur la rivière Kazir, située à peu de distance. La chute de Medjouretchensk avait été médiatisée, sur conseil des Volkodlak, par le pouvoir moscovite. On commençait à parler du Tokaristan. Même si cette guerre n'attirait pas encore les médias internationaux, comme ils l'auraient souhaité, les Russes ne pouvaient s'empêcher de tourner leurs yeux vers ce qui constituait leur véritable intérêt, l'Altaï. À la grande surprise de Koslov, des Volkodlak et surtout du président Popov, les Moudjahidines d'Imadedinov ne s'étaient guère montrés brillants dans les batailles. En revanche, les troupes de Trofimov, son rival, remplissaient parfaitement le rôle de fixation et tant bien que mal de protection. Les rapports du KGB, service de renseignement, rapportaient qu'Imadedinov, qui acceptait mal d'être tenu en échec par une armée de soifards et de parias, prévoyait une offensive majeure. Lorsqu'il fut informé de ce mouvement de troupes, le président Popov se remémora les propos de l'ethnologue Olga Gourina. Pour Imadedinov, avoir l'occasion de se venger de Trofimov sera la volonté d'Allah, avait-elle dit lors de la réunion d'installation des Volkodlak. En voulant s'emparer de l'avant-poste que constituait la base militaire d'Olierask, située entre la frontière du Tokaristan et la ville de Medjouretchensk, le président Imadedinov tombait un peu plus dans les mailles du filet déployé pour lui. Le désir de vaincre l'armée rouge, perçu comme un caillou dans la chaussure des combattants du prophète, l'avait aveuglé comme prévu. Le travail acharné des troupes de Trofimov, associé à celui des mineurs au chômage technique et à celui des paysans des alentours, permit à la base d'Olierask de devenir en quelques mois un avant-poste stratégique. L'aérodrome fut transformé en héliport. Le colonel Trofimov avait fait construire des pistes d'atterrissage soigneusement gardées pour exploiter au maximum les 6 hélicoptères de combat monoplace Kamov de type Okum-A dont son régiment avait été doté. Il s'assura ainsi la maîtrise des airs. Ces autogires s'avérèrent très utiles pour harceler les camions de transport de troupes qui acheminaient les renforts en Moudjahidine lors de la première bataille de Medjouretchensk. Ils n'avaient pas obtenu de chars, car l'état-major estimait que la topographie n'était pas propice à leur déploiement. Ils s'étaient donc vus dotés de plusieurs batteries de mortiers MSTA, équipés d'un système de guidage ultramoderne et de canons lance-roquettes multiples Tornado G. Des artilleurs du fameux bataillon Angara avaient été spécialement envoyés de Crimée. En cas d'attaque directe sur le camp retranché, l'ennemi n'avait aucune chance, l'ennemi le savait. Tokaristan, côté islamiste, début août. À Arsikouchi, les lieutenants d'Imadedinov venaient à douter de la stratégie de leur émir. Void, grand guide, demanda le chef de section afghan. « Pourquoi avoir abandonné le terrain conquis grâce au sang des martyrs ? Nous ne progressons pas, alors que si nous engageons nos troupes, nous sommes à 3-1. » Le grand guide Imadedinov, surpris par la question, réfléchit avant de répondre. « 3-1, me dis-tu. Nous ne sommes pas dans une guerre tribale, mon ami. Si les Russes mobilisent, ils seront vite 10, et nous, un seul, pour leur faire face. Ils sont dotés d'un réservoir inépuisable de soldats. L'histoire montre que, contrairement aux Américains, qui pleurnichent au premier GI tué, les Russes ont une notion de perte acceptable, allant au-delà du nombre de soldats que nous pourrions tuer. » Azedine, le chef de section palestinien, le visage buriné, suggéra. « Si les Russes ne nous prennent pas au sérieux, il faut donc relancer une vague d'attentats pour les faire trembler. » Gardant son calme et sa lucidité, Imadedinov expliqua. « Détrompe-toi, Azedine. Ils ont pris la mesure du danger que désormais nous représentons. Nos frères musulmans intégrés au régiment des fusiliers de Sibérie, les fameux Amourski partisans, ont tous été réaffectés dans des unités à Kaliningrad, à la frontière balte ou en Crimée. Ils sont remplacés par des soldats slaves. Une fois que la guerre sera véritablement déclarée, ce sont ces troupes loyales qu'ils nous enverront. » Le chef de section, tatar de 15 ans, prit part à son tour à la conversation. « Quel est ton plan de bataille, Tashkir, sire ?» Très prudent, Imadedinov rétorqua. « Pour le moment, les Russes pensent que nous sommes mal équipés et que notre cœur est plus gros que notre arsenal. Avec leurs 6 hélicoptères de combat, ils sèment la pagaille dans nos rangs. Nous ne représentons pas une menace réelle. Ils considèrent notre action comme une guérilla localisée et frontalière. Nous sommes trop turbulents pour qu'ils ne fassent rien, mais pas assez menaçants pour qu'ils déplacent les troupes casernées en Sibérie. Ils nous laissent l'initiative et le loisir de déclencher réellement les hostilités. » Suite à cette analyse de la situation, intervint son bras droit, Norian Hamidovitch Charizov. Il avait un visage de couleur brunâtre. Son nez long et courbe rappelait un bec d'aigle. Cette protubérance tranchait avec ses joues creuses et cadavériques chez cet homme pourtant un peu gros. Sa mâchoire forte et carrée semblait avoir reçu un petit coup de rasoir au-dessus du menton, tant paraissait ridicule sa petite bouche pincée. Les lèvres comprimées l'une sur l'autre tendaient la peau du front pour produire un équilibre qui lui donnait l'air d'être continuellement soucieux ou en colère, à moins que ce ne soit un mélange des deux, que sa physionomie trahissait. Jeune encore, chauve déjà, rasé avec soin, il arborait derrière un pince-nez d'or, remplaçant de classiques lunettes, sous une barrière de sourcils drus, de petits yeux légèrement bridés et cruels, sautillant pour jauger tout ce qui se passait alentour, mais aussi pour éviter que son propre regard ne se trouve piégé dans celui d'autrui. Demeuré attentif et vigilant, il pria Youssouf d'être plus précis, en constatant l'incompréhension qui se traduisait dans l'attitude de la plupart des 8 chefs de section présents. Imadedinov entra dans les détails. Une attaque aboutissant à une victoire facile peut parfois être une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire une victoire qui annonce une défaite. C'est la leçon de la bataille des Ardennes, expliqua Imadedinov, en tant qu'ancien général soviétique dont il avait tout le bagage militaire et stratégique. Elle a eu lieu à la fin de la Grande Guerre patriotique, raconta-t-il. Les Allemands avaient réussi à surprendre les Alliés en lançant une violente contre-attaque dans l'est de la France. Au cours des premiers jours, ils avaient avancé rapidement et enchaîné les conquêtes, semant la panique dans le camp adverse. Les Alliés se ressaisirent. Ils parvinrent à repousser les Allemands qui subirent de lourdes pertes. Cette bataille sonna le glas de la puissante armée allemande. Bilal, le chef de section, algérien, à la tête en pain de sucre, ne put s'empêcher de conclure. « Comme le disent les Français, ce n'est pas parce qu'on a perdu une bataille qu'on a perdu la guerre. » Imadedinov acquiesça et ajouta. « Ce qu'il nous faut, c'est réussir ce que jamais aucun peuple musulman n'a réussi, s'emparer d'une région russe pour pouvoir ensuite négocier. Cela passe par des victoires, des défaites et un grand sens de la diplomatie. » Norian Hamidovitch Charizov, en phase avec l'objectif, émit son avis. « Pour le moment, il ne faut pas que nous soyons trop menaçants afin d'éviter que les Russes ne lancent une opération pour nous écraser. » Face au silence approbateur de ses 8 chefs de section présents, Imadedinov fournit quelques détails. « C'est la raison pour laquelle, pour le moment, nous ne nous battons qu'avec un quart de notre potentiel humain et matériel. Tant que nos adversaires russes penseront nous écraser sans difficulté, ils nous laisseront placer nos pions. » Il se tourna alors vers Charizov. « En ce qui concerne les armes attendues, lui demanda-t-il, où en sommes-nous ? » Charizov sortit de sa poche un petit carnet dans lequel tout était minutieusement consigné. « Boyd, grand guide, l'Iran nous a expédié les 20 camions d'armement prévus ainsi que 6 Mercedes-Benz lance-projectiles. Le convoi, qui a fait route via le Turkménistan et le Kazakhstan, contenait des munitions pour nos moudjahidines. Nos mécènes du Golfe, qui ont réglé la facture, nous ont gâtés. Outre quatre missiles M-302 de fabrication syrienne, nous disposons d'une dizaine de Missag 1, des missiles solaires iraniens pour abattre leurs 6 hélicoptères. Un vent de liesse et d'optimisme souffla sur le quartier général du mouvement islamiste. Imadedinov avait de quoi faire trembler les Russes. Brusquement, il parla avec gravité. Seul Norian Hamidovitch Azirov, qui gérait l'opération d'approvisionnement, et moi-même, connaissions jusqu'à ce soir la nature réelle de notre arsenal et les endroits où il était entreposé. Aujourd'hui, nous sommes 10 à être détenteurs du secret. S'il y a une fuite, notre plan d'ensemble échouera. Imadedinov sortit alors son kinjal, un long poignard à double tranchant. Il fendit l'air avec l'arme en s'écriant, menaçant. « Si l'un d'entre vous parle, je jure sur le Coran de l'égorger de cette lame. » Il avait parlé en émir. Ses 8 officiers n'en attendaient pas moins. Ils se penchèrent sur les cartes une bonne partie de la nuit, firent des remarques, proposèrent des améliorations tactiques, et chacun s'imprégna du rôle qu'il devait tenir. Quand, fourbus au petit matin, ils regagnèrent leur pénate et allèrent se coucher, pas un ne doutait de la victoire finale. Personne n'imaginait qu'ils se jetaient dans le piège tendu par les Volkodlaks. Ils s'endormirent avec un moral de vainqueur.